Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Aujourd'hui, l'accident de travail. L'accident du travail est un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, et ce, quelle qu'en soit la cause. Par exemple, un accident causé par un autre salarié ou un défaut de sécurité. La garantie du risque d'accident du travail, tout comme celle du risque maladie professionnelle, concerne tous les salariés, mais aussi les personnes participant bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social. Alors, quelle procédure en cas d'accident du travail? Le salarié victime d'un accident du travail doit prévenir directement par lettre recommandée l'employeur dans les 24 heures qui suivent l'accident. L'employeur doit alors déclarer l'accident à la Caisse primaire d'assurance maladie, la CPAM, dans les 48 heures. L'employeur doit également délivrer à la victime une feuille d'accident et envoyer la victime vers un médecin. L'accident du travail, pour être reconnu, doit être attesté par un médecin au travers d'un certificat médical. La décision de l'organisme de la CPAM doit faire l'objet d'une notification écrite à la victime et à l'employeur dans les 30 jours suivant la déclaration. Le silence gardé par l'administration vaut reconnaissance implicite de l'accident du travail. Alors, quelle prestation en cas d'accident du travail? Il faut distinguer trois situations. En cas d'incapacité temporaire, le salarié victime a droit à la prise en charge totale de toutes ses dépenses de traitement. Il bénéficie également d'une indemnité journalière dont le taux varie selon la durée de l'incapacité et de sa rémunération. En cas d'incapacité permanente, le salarié a droit à une rente, qui est obtenue en multipliant le salaire de base annuel par le taux d'incapacité. La rente est versée pendant toute la vie du bénéficiaire. Enfin, en cas d'accident mortel, les ayants droit de la victime décédée peuvent prétendre à une rente qui vise à compenser la perte de ressources causée par le décès du salarié. Le montant de la rente varie selon le bénéficiaire, ex-conjoint survivant ou enfant. Alors, quelle protection pour le salarié? Le salarié victime d'un accident de travail bénéficie d'une protection spéciale contre le licenciement puisque le contrat de travail est suspendu durant toute la durée de l'arrêt. Tout licenciement pendant la suspension du contrat est donc nul et discriminatoire. Si l'employeur refuse de réintégrer le salarié après sa période d'incapacité, alors le salarié pourra demander des dommages et intérêts et être réintégré. Il y a des cas qui existent où le licenciement est autorisé. Un accident de travail peut également aboutir au licenciement du salarié concerné lorsque celui-ci est déclaré inapte par le médecin du travail. Pour autant, seul l'un de ces trois motifs peut justifier la rupture du contrat de travail. Une impossibilité de proposer un autre poste au salarié par rapport à cette obligation de reclassement, le refus par le salarié de l'emploi proposé et enfin la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Dans un tel cas, la procédure de licenciement doit être respectée pour inaptitude d'origine professionnelle consécutive à un accident de travail et des indemnités doivent être versées. Indemnités de licenciement, compensatrices de préavis et enfin les indemnités de congés payés. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.